1 fois 1. 1 fois 2. 1 fois 3. 1 fois 4. 4. 1 fois 5. 1 fois 6. C'est pas possible.